Parlant ainsi, la petite fadette lui tourna le dos et marcha du côté de sa maison en chantant. « Prends ta leçon et ton paquet, Landry Barbeau le Bessonnet !» À cette fois, Landry sentit comme un grand repentir dans son âme, non qu'il fût disposé à aucune sorte d'amitié pour une fille qui paraissait avoir plus d'esprit que de bonté, et dont les vilaines manières ne plaisaient point. Mais il avait le cœur haut et ne voulait point garder un tort sur sa conscience. Il courut après elle et, la rattrapant par sa cape, « Voyons, Fanchon Fadé, lui dit-il, il faut que cette affaire-là s'arrange et se finisse entre nous. Tu es mécontente de moi, et je ne suis pas bien content de moi-même. Il faut que tu me dises ce que tu souhaites, et pas plus tard que demain, je te l'apporterai. « Je souhaite ne jamais te voir, » répondit la fadette très durement. « Et n'importe quelle chose tu m'apporteras, tu peux bien compter que je te la jetterai au nez. » Voilà des paroles trop rudes pour quelqu'un qui vous offre réparation. Allons, dis-moi ce que j'ai à faire pour te contenter. Vous ne sauriez donc me demander pardon et souhaiter mon amitié ? Dit la fadette en s'arrêtant. Pardon, c'est beaucoup demandé, répondit Landry, qui ne pouvait vaincre son orgueil. Demande-moi donc une chose qui puisse se donner tout de suite et que je ne sois pas obligé de te reprendre. Eh bien, dit la fadette d'une voix claire et sèche, il en sera comme vous le souhaitez, Besson Landry. Je vous ai offert votre pardon et vous n'en voulez point. À présent, je vous réclame ce que vous m'avez promis, qui est d'obéir à mon commandement le jour où vous en serez requis. Ce jour-là, ce ne sera pas plus tard que demain, à la Sainte-Andoche. Et voici ce que je veux. Vous me ferez danser 3 bourrées après la messe, 2 bourrées après vêpres, et encore 2 bourrées après l'Angélus, ce qui fera 7. Et dans toute votre journée, depuis que vous serez levé jusqu'à ce que vous serez couché, vous ne danserez aucune autre bourrée avec n'importe qui, fille ou femme. Si vous ne le faites, je saurai que vous avez 3 choses bien laides en vous, l'ingratitude, la peur et le manque de parole. Bonsoir. Je vous attends demain pour ouvrir la danse à la porte de l'église. » Et la petite fadette, que Landry avait suivie jusqu'à sa maison, ferma et entra si vite que la porte fut poussée avant que le Besson eût pu répondre un mot.